Oui, on, bah, à Mirecourt, tout le monde était luthier, plus ou moins. Parce qu'il y avait quand même des maisons comme chez La Berthe, Thibouville et Coisnon, qui employaient quand même pas mal de monde. Hein. Ouais. Donc à Mirecourt, tout le monde était luthier. Quoi. Mmh. Si, si le père n'avait pas été luthier, le fils y était ou la femme y travaillait, il n'y avait que ça comme industrie à Mirecourt. Ouais. Hein. C'était la lutherie ou la broderie dentelle. Hein. C'est ça. Il n'y avait rien d'autre. Ouais.